Bienvenue dans le monde de l'underground by Fred Cominatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house, jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et images par Cominatia, mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Méditerranée VAR. C'est encore avec plaisir que je vous reçois dans le son de l'underground ce jeudi, donc tous les jeudis de 17h à 20h. Ce soir, un spécial techno pour changer. Un spécial techno plutôt clubbing, une techno pas complètement barrée, plutôt mélodieuse aussi. Une techno qu'on pourra écouter aussi dans notre concept Good Vibes qui va tourner un petit peu partout avec mon pote David Air. Quoi vous dire, quelques news vite fait avant de démarrer. Vous avez samedi 1er février à hier au Morito, le bar Le Morito, vous avez un pote, la Fredox, qui va mixer toute la soirée. Je vous conseille vivement, un très bon DJ vinyle qui mixe de tout, de la disco, des 80, années 90, de l'afro house, enfin une gamme très complète pour une soirée sympathique, je pense. Et puis un petit peu en avance, le 7 février, il y aura Moa qui chantera en live au Petit Jaurès à Fréjus pour un after work du vendredi à peu près 19h30-21h30. Voilà, pour ceux qui seront sur Fréjus, une belle gamme musicale, une voix magnifique pour chanter, entre autres, aller de tête, du Amy Winehouse, du London Grammar, du Sade, du Angèle, du Selassou. Enfin, la gamme est complète, du Lenny Kravitz, du Bruno Mars. Enfin, voilà, on pourra écouter, on pourra danser, enfin, comme Moa sait faire. Voilà, donc on va démarrer tout de suite 3 heures de mix techno. Là, ça va pas rigoler. Enfin, ouais, ça va rigoler. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Et puis, je vous souhaite un bon mix, toujours seulement sur Radio Méditerranée VAR, sur le son de l'underground. Allez, c'est parti.

psychic matters. What are called in Buddhism psychics are the development of supernormal powers. This is completely beside the point. But you've got involved with Chinese alchemy, with Tao.

chase and you stop the chasing. Oh, love is so dense when it's on. Thank you.

Thank you. Thank you.

I'm

Bienvenue dans le monde de l'underground by Fred Cominatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house, jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et images par Cominatia, mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Voilà, 3 heures de mix en direct, c'est dur de discuter après ça. Ça a envoyé du lourd, j'espère que ça vous a plu. J'ai plus de voix, je suis parti 3 heures dans mes frises. En tout cas, eh bien, je voulais remercier tous les auditeurs et aussi je voulais remercier Seb pour son ouverture d'esprit sur la radio, pour pouvoir me laisser programmer ce que je veux, comme je veux. Vous êtes donc, j'espère, accroché au son de l'underground. Je dois laisser un petit message aussi. J'ai mon pote Francky qui était là en ligne, qui écoutait. Il m'a dit de vous dire quand même que voilà, si vous avez la fréquence, bah, ici il y a la vibration, ce qui est quand même juste. J'ai un petit message pour mon petit Francky. Et je voulais dire, il est où Polo, quoi ? Parce que là, franchement, j'ai un truc à lui envoyer. En tout cas, ben, moi j'espère que ça vous a plu, je vous donne un rendez-vous pour la semaine prochaine. Les rendez-vous à venir tout de suite, le 1er février à hier au Morito, vous avez Fred Ox qui va mixer pendant toute la soirée, quelque chose de très varié, années 80, 90, house, disco, nu disco, voilà, c'est quelqu'un d'assez éclectique qui mixe vinyle aussi, joli à voir, quoi. Et puis aussi le 7 février, mais je vous en reparlerai également la semaine prochaine, nous aurons Moa en live au Petit Jaurès à Fréjus. Un after work, 19h30, 21h30, avec de la belle chanson de grosses voix, de l'ami Winehouse, du Shadé, du Célassou, enfin voilà, que du beau. Et puis donc, on attend impatiemment les nouvelles platines. Donc à partir de la semaine prochaine, normalement là, j'ai un équipement pour déchirer encore plus. En tout cas, j'espère que le mix vous a plu. Moi j'ai pris grand plaisir. 3 heures comme ça, c'est pas donné à toutes les radios. J'espère que vous appréciez donc Radio Méditerranée VAR et le son de l'underground. Et donc n'oubliez pas que si vous avez la fréquence, ben nous on a la vibration. En tout cas, je vous laisse et je vous souhaite une bonne semaine. Je vous laisse maintenant avec la playlist. Bonne soirée. Give me